Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette émission. Le débat mosaïque aujourd'hui va porter sur des mouvements migratoires observés à une vitesse accélérée dans la plaine de la Roussizie. Près de 600 personnes ont décidé de déménager en séjour des seules communes Lugombo et Buganda en province Cibitoke vers la République démocratique du Congo. Des conditions de vie intenables sont l'une des principales causes avancées par ces migrants. Au moins 6000 Burundais sont en train de demander l'asile dans le même pays voisin, la RD Congo, malgré les efforts du gouvernement dans le processus du rapatriement de Burundais se trouvant en terre étrangère. Quelle serait alors la situation chiffrée de ces Burundais qui quittent le pays? Comment sont-ils reçus et traités en pays d'accueil? Quelles sont les conséquences de ces flux migratoires aussi bien sur le pays d'origine que sur celui d'accueil? Et comment faire face à ces flux migratoires accélérés dans cette région précise, la plaine de la Roussizie? En vue de décortiquer le sujet, deux invités sont avec nous sur le plateau. Nestor Bimenyimana, vous êtes le directeur général du rapatriement, de la réinstallation et réintégration des rapatriés au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Et je salue aussi les téléspectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Et je salue aussi mon collègue Edi Plateau, monsieur le professeur. Merci. Et il y a vous, justement, professeur Évariste Ngaïmenda, historien, démographe, enseignant d'université. Vous êtes aussi recteur de l'université du lac Tanganyika. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Je salue également mon collègue directeur général ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. La mise en onde est assurée par le duo Jérôme Ndaïchimie et Séraphine Hakizimana. Réalisation de Vestine Butoyi à la présentation, Léonce Bitariho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Puis-je adresser la toute première question à vous, monsieur le directeur général Nestor Bimenyimana? Pourriez-vous nous donner de façon chiffrée les effectifs de ces Burundais, ces migrants burundais, dans cette région précise, la plaine de la Roussizie? Bien, merci beaucoup d'abord pour l'organisation de cette émission Mosaïque. Le sujet est vraiment intéressant pour nous et pour aussi les téléspectateurs parce que la question des migrants, c'est une question très sensible. Pour votre question de donner les effectifs chiffrés des migrants dans cette région, c'est vraiment difficile. Étant donné qu'il y a ceux qui sont partis hier, il y a ceux qui sont partis ce matin, il y en a même ceux qui préparent de partir ce soir. Donc les chiffres changent de temps en temps. Les chiffres changent de temps en temps. Vous avez parlé de 560 qui sont partis il y a deux mois. Bon, personnellement... On dit, je pense, 564 en l'espace de deux mois. OK. Donc 564 et 560, c'est presque la même chose. Personnellement, je n'ai pas déjà mené des enquêtes sur ces mouvements. Mais j'ai appris à travers l'administration qu'il y a le mouvement de départ vers le Congo. Ceci dit à quoi? Il y a plusieurs facteurs. Mais c'est bizarre qu'un pays qui est pris de paix et de sécurité, sa population puisse déménager vers un pays en insécurité. C'est bizarre. C'est pourquoi on doit d'abord connaître la raison. Peut-être que vous, les journalistes, vous avez beaucoup plus d'informations que nous. Hein. Mais nous allons partager. C'est officiel. Oui. Et justement, ces Burundais ils préfèrent quitter le Burundi, un pays en sécurité, vers l'est de la République démocratique du Congo, une zone souvent en conflit armé. Pourquoi, selon vous? Bon, pourquoi c'est l'ONU? Là aussi, c'est difficile. Il y a quelques mois, j'ai été au Congo. Je suis allé voir donc une population burundaise qui était dans le camp de transit de Kavimvila, qui était autour de 300 personnes. Malheureusement, comme ils étaient sous protection internationale, je n'avais pas droit de poser quelques questions. Sinon, j'allais poser la question, pourquoi vous êtes ici, dans un pays en insécurité? Donc, après avoir quitté votre pays, qui est en paix, qui est en sécurité? Mais on peut imaginer quelques raisons. D'abord, la raison de fuir d'un pays à un autre et dépend de l'imagination, dépend aussi de la volonté de celui qui va, qui souhaite quitter son pays d'origine. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que pour quitter un pays vers un autre, d'abord, ça peut dépendre de l'insécurité à l'intérieur, au fond du cœur. Parce que la sécurité physique, c'est un facteur, mais d'abord la sécurité à l'intérieur du cœur. C'est ça le plus fort. Aujourd'hui, tu peux me voir, moi Nestor, et tu constates que je suis vraiment à l'aise, je suis le directeur général, je suis bien. Oui. Mais à l'intérieur de mon cœur, il peut y avoir autre chose. Donc, la population, vous avez cité la population de Rugombo et de Buganda. Moi, je suis souvent dans ces communes-là. Je trouve que la population est à l'œuvre, elle cultive, il y a vraiment la saison a été bonne, il y a la culture est bonne, mais tu trouves la même population qui franchit la frontière vers le Congo pour faire quoi? Pour chercher la vie, je ne sais pas, pour chercher, s'installer là-bas, pour la question donc de migration actifs, économique. Ils sont actifs dans ces travaux champêtres, mais il y a des opinions qui disent que ces Burundais fuient le pays à cause des conditions de vie intenables. Est-ce que vous confirmez? Bon, conditions de vie intenables, peut-être d'une part oui, mais d'autre part, il y a aussi cette question d'habitude. Donc, on a parlé qu'il y a, parmi la population qui quitte, il y a certains rapatriés qui fuient encore. Cette habitude est peut-être liée au phénomène appelé souvent Makanaki pour gagner encore une fois le paquet retour, ce qui est vraiment difficile aujourd'hui, d'autant qu'on a déjà installé un système qui est là, qui peut traquer facilement celui qui compte se faire rapatrier une deuxième fois, troisième fois. Donc, ce n'est pas facile. On va y revenir. Oui, je vais revenir vers vous, monsieur le directeur général. Permettez que l'on adresse la question à professeur Évariste Ngaïmenda. Votre lecture par rapport à ces Burundais qui préfèrent quitter le pays, un pays en sécurité, vers une région de la République démocratique du Congo voisine, une région en insécurité, en conflit armé. Quelle serait votre lecture, professeur? Bien, je vais peut-être vous surprendre, mais ma lecture n'est pas si alarmiste que ça, que l'opinion veut présenter la chose. D'abord, dans un pays en guerre. Dans un pays en guerre, oui, mais est-ce qu'ils entrent directement dans les zones en conflit? Pas nécessairement. Donc, je pense que la République démocratique du Congo peut connaître la situation qu'elle connaît aujourd'hui. Mais tous les coins de ce pays ne sont pas en ébullition. Donc, il peut y avoir des espaces encore calmes. Et très probablement que ces immigrants choisissent où ils vont, où ils peuvent même être accueillis par les leurs. Et finalement, ils connaissent le lieu. D'autant plus qu'ils sont des frontaliers. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que traverser la frontière. Et cette frontière-là... La frontière, la Rusizi. La Rusizi, précisément, qui fait frontière entre la RDC et le Burundi. Mais d'un point de vue démographique, peut-être qu'ils sont chez eux. Parce que, en fait, ces mouvements-là, ce sont des mouvements historiques, ce sont des mouvements très anciens, ce sont des mouvements, à la limite, universels. Et dans le cas d'espèce... Universel, vous dites? Oui, universel. Dans tous les pays du monde, ce genre de mouvement existe. Dans le cas d'espèce, la traversée des Burundais vers le Congo, appelons ça comme ça, parce que ça ne s'est pas toujours appelé RDC, ça ne s'est pas toujours appelé Zaïre non plus. Comme la traversée des Congolais du Congo vers le Burundi, c'est des mouvements qu'on a toujours observés, qu'on a observés de tout temps. Ils sont venus, ils se sont installés, ils ont épousé des Burundaises, comme des Burundais ont épousé des Congolaises. Ils ont pris des terres, des Burundais ont pris des terres au Congo, comme des Congolais ont pris des terres ici. Les documents l'attestent très bien. Donc, c'est des mouvements historiques. Maintenant, je crois que l'alarmisme... Au début, ce sont des exilés qui... Pas des exilés, pas des exilés, des migrants. De simples mouvements transfrontaliers. Des mouvements transfrontaliers. Transfrontaliers qui sont des mouvements classiques sur toutes les frontières du monde. Et ça peut se transformer en parenté. Ça ne se transforme pas, ce sont nécessairement des parentés. Il y a plein de Burundais, des communes Buganda, Rugombo, et qui, ici, tout à Mutsinda, Gihanga, qui ont des cousins, qui gardent des vaches en RDC. Comme il y a des Congolais qui ont des cousins ici, qui habitent ici, qui ont épousé des Burundais et vice-versa. Donc, ce sont des mouvements tout à fait historiques et tout à fait normaux. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que ce sont des mouvements qui sont aujourd'hui documentés. Ce n'est pas nécessairement dit que ça atteint un pic, que c'est pour la première fois que ça atteint ce niveau. C'est peut-être pour la première fois qu'on commence à documenter ce genre de mouvement. Bon, c'est dommage, avant de venir, je n'ai pas vérifié quelle pourrait être la population actuelle des deux communes. Mais je la projette, par exemple, à 200 000 habitants. Bon, j'ai supposé que les communes de Rugombo et de Uganda, étant ce qu'elles sont en termes de ressources, en termes de dimensions, je leur ai donné plus ou moins la moyenne. Alors, si vous prenez à peu près 12 millions de Burundais divisé par 119, ça vous fait à peu près 100 000 habitants par commune. Divisé par deux, ça fait 200 000. 200 000. Alors, si on projette d'ici la fin de l'année... Ça ferait, si vous prenez 560 départs sur deux mois, ça ferait 3360 départs par an. Et ça nous fait quoi? Ça nous fait 1,8% de taux d'émigration par an. C'est pas le diable. Donc, normal. Ce n'est pas le diable. Surtout s'ils sont accueillis dans un vaste pays comme le Congo. Là, si vous mesurez le taux d'immigration des Burundais en RDC, ça devient encore rien. Donc, c'est pas dramatique. Ce qui peut-être ce qui peut un peu attirer l'attention, que j'ignore à ce stade, ce sont les conditions d'accueil. Est-ce que ils sont fondus dans la population? Est-ce qu'ils sont accueillis dans des camps de transit, des choses comme ça, s'ils se déclarent comme réfugiés, par exemple? Là, le problème peut être analysé autrement. Est-ce que vous pouvez vous faire des hypothèses? Ça dépend. S'ils partent comme réfugiés, en principe, ils sont accueillis dans des camps de transit. Mais là, ça va être un peu difficile parce qu'un réfugié, il doit prouver, il doit donner des raisons à l'origine de son exil. Et ces raisons peuvent être convaincantes ou pas. Et si les raisons sont convaincantes, bon, probablement qu'il sera reçu. Donc, il est recevable. Si les raisons ne sont pas convaincantes, il va peut-être être refoulé. Maintenant, ce sont des gens qui arrivent comme ouvriers, qui se fondent dans le reste de la population, qu'ils connaissent par ailleurs, soit pour un petit élevage, soit pour une activité artisanale, soit pour une activité d'extraction minière, soit pour une activité agricole. Il y loue sa force de plein d'activités de finalement. Travail. Ça c'est pas si dramatique que ça. Voilà. Finalement, monsieur le directeur général, comment ces Burundais sont reçus et traités en pays d'accueil, là, de l'autre côté, la RD Congo? Bien, merci. Donc, comment sont reçus, comment sont traités, ça dépend du motif. S'il est migrant économique, il y a sa manière de traitement. Mmh. S'il est réfugié, s'il est demandé d'asile, il y a aussi le traitement spécifique aux demandeurs d'asile. De toutes les façons, ils doivent être traités comme des humains. Comme des humains. Prenons s'ils sont des migrants économiques. Ceci, comme le professeur vient de le dire, ce cas devrait être accueilli à bras ouverts. Parce qu'ils viennent pour l'intérêt de la population congolaise. Parce qu'ils vont produire pour le Congo, ils vont travailler pour le Congo, et ce sont les Congolais qui vont bénéficier des dividendes et des travaux qui seront réalisés par ces migrants. C'est pourquoi, s'ils sont vraiment des migrants économiques, je proposerai aux Congolais, ou je conseillerai aux Congolais de les accueillir à bras ouverts. S'ils sont des réfugiés, là aussi ça ne devrait pas causer de problème. Parce qu'il y a l'OACR qui est là pour gérer. Il y a les organisations internationales en charge de gérer les Afriques qui partent dans le cadre de demandes d'asile. Eh bien, dans ce cas, ils devraient bénéficier de la protection internationale, comme je l'avais déjà dit, que j'ai visité le camp de Kavimvila un jour, je n'en répète pas, mais j'ai trouvé des Burundais qui étaient là, qui étaient sous protection internationale. Moi-même, je n'avais pas droit de les approcher ou de les poser les questions. Donc, le traitement des demandeurs d'asile est spécifique et ça découle de la loi internationale. Mais il y a ce que le professeur avait déjà dit auparavant. Donc, le mouvement transfrontalier entre les pays qui partagent les frontières, c'est vraiment un mouvement normal. Ça ne devrait pas causer de problème. Je pense que tu as déjà visité le marché de chez Sion. Ici à Bujumbura. Ici à Bujumbura. En tout cas, le marché de chez Sion, même d'autres marchés de Bujumbura, donc est à au moins 60% visité par les Congolais. Donc, la migration économique doit résoudre ce problème. Donc, il devrait produire pour éviter que, pour résoudre cette problématique de traverser les frontières pour venir au marché de Bujumbura. Parce qu'ils vont cultiver et produire. Ils vont générer pour la RDC. Donc, les écoles de Bujumbura. Donc, la grande partie, j'ai visité l'université Espoir d'Afrique. Il y a la communauté étudiantine des Congolais est plus grande que les autres communautés. Je pense que même chez le professeur ici, il y a beaucoup, beaucoup de Congolais. Allez dans les églises. Ici, à Bujumbura, il y a une explosion des églises de nature congolaise. Et ils sont à l'aise. Ne sont pas persécutés. Allez dans les quartiers. Ils achètent même des parcelles. Mais ceci, je pense que c'est à revoir parce que... Ils achètent des parcelles parce que les Congolais disposent d'une monnaie de valeur plus que les Burundais, plus que notre monnaie locale. Le dollar. Oui, le dollar. Ils viennent avec les dollars, ils achètent les parcelles, ils achètent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont une monnaie de valeur. Donc tout ça, je pense que c'est à revoir parce que bien que le mouvement est autorisé, il y a quand même une réglementation qui doit être là. Est-ce que vous parlez avec ces Burundais aussi bien en tant que quelqu'un en charge du rapatriement? Est-ce que vous parlez avec ces Burundais quand ils sont dans ces pays d'accueil? Nous parlons précisément ici de l'autre côté de la RDC. Oui, s'ils sont... Je ne sais pas s'ils sont mieux qu'ici au Burundi. Bon, d'abord, j'ai dit qu'il y a deux catégories. D'abord, il y a les migrants économiques, il y a aussi les réfugiés. Pour les migrants économiques, ils doivent être mieux. Parce qu'au Congo, il y a d'abord la terre. Et tu sais, les Burundais savent vraiment travailler. Ils y travaillent. S'ils bénéficient des portions de terre pour cultiver, vraiment, ils sont mieux. Et ils produisent pour la RDC et ils viennent investir au Burundi. Donc là, ça, c'est vraiment une vie qui est encouragée, mais qui doit être coordonnée. qui doit être coordonnée. Parce que on ne peut pas autoriser tout le monde d'aller exploiter la telle au Congo. Non. Mais celui qui a eu cette chance, il faudra l'encourager de cultiver, mais penser toujours qu'il est burundais, venir, revenir, investir au Burundi. Et pour les réfugiés, la vie d'un réfugié, c'est la mauvaise vraiment histoire du monde. Parce que les réfugiés, un réfugié, c'est quelqu'un qui est privé de tout droit. De tout droit, sauf le droit humanitaire. Sauf le droit humanitaire. Et tant que vous avez la parole, monsieur le directeur général, je vais vous poser la question par rapport aux conséquences et les conséquences de ces flux migratoires, aussi bien sur le pays d'origine que sur le pays d'accueil, c'est comment? Et je vais adresser la même question à professeur Ngaïmène. Les conséquences sont multiples. D'abord, au pays d'origine. S'il y a un afflux qui va dans un pays donc au-delà de la frontière, ça, d'abord, il y a une main-d'œuvre qui est disparue. Imaginez 560 personnes qui sont parties au bout de 2 mois. 560 personnes, dans un mois, ils peuvent cultiver toute la commune. Et ça, c'est une main-d'œuvre qui est partie de l'autre côté. Ça, c'est une perte pour le Burundi. Une autre chose, nous sommes dans la phase de recensement général de la population et de l'habitat. Nous sommes dans la phase préliminaire. Imaginez si le mouvement continue jusqu'au niveau de recensement proprement dit. Donc ça va fausser les données de façon que la planification aussi sera erronée. Ah oui. Oui, ça aussi c'est vraiment une des conséquences. Une autre chose. Imaginez, dans la planification, on planifie par rapport à la population qui est occupée une territoire quelconque. Donc, imaginez, on a planifié pour une école ou un hôpital et la population part. C'est-à-dire que cet hôpital aurait donc délocalisé vers un endroit où il y a là ceux qui vont bénéficier cet hôpital. Les bénéficiaires décident de partir finalement. Voilà. Donc, pour ne parler que cela, sinon il y a beaucoup, beaucoup de conséquences. Et pour le pays d'accueil, il y a d'abord cette perception, mauvaise perception de pourquoi ce mouvement. Ils viennent pour faire quoi? Ah oui. N'est-ce pas pour nous accaparer nos biens, pour s'ingérer dans nos affaires politiques, tout ça? Ça, c'est aussi une des conséquences. Il y en a aussi... Il y aura finalement mauvaise cohabitation? Une mauvaise cohabitation, bien sûr, parce que j'ai dit qu'il y a la mauvaise perception au départ de pourquoi cet afflux. Ils viennent pour faire quoi? Donc cela provoque une mauvaise cohabitation communautaire. Mauvaise cohabitation, voilà. Professeur Evariste Ngaïmenda, historien démographe, les conséquences sont lesquelles selon vous? Il parle de beaucoup de choses, le directeur général. Bon, je pense que la première conséquence, c'est l'instabilité qui en découle. Aussi bien par rapport au pays de départ qu'au pays d'accueil du fait de ces mouvements. Surtout quand ce sont des mouvements qui se répètent de façon saisonnière, quand il y a trop de va-et-vient. Donc il y a l'instabilité d'un côté comme de l'autre. Mais par contre, positivement, ça dépend des conditions d'accueil dans les pays d'accueil. S'ils ont l'accès au travail, bon, ils contribuent tout naturellement à croître les richesses du pays de destination, surtout que pour l'essentiel, il s'agit d'une immigration paysanne, et donc d'une immigration agricole, donc qui est capable de contribuer à l'augmentation de la production et par conséquent à l'accès à une certaine quantité de ressources. Donc, ça devrait être des mouvements plutôt rentables, aussi bien par rapport au pays de départ que par rapport au pays d'arrivée, surtout que ce sont des mouvements transfrontaliers. Ça suppose une possibilité de rapatriement de la récolte dans les régions de départ, sous réserve évidemment qu'on leur laisse accéder à la terre. Parce que sans cela, tout ce que je suis en train de dire devient hypothétique. Isanganiro. Je sais qu'il y a des Burundais qui quittent même ici à Bujumbura, dit communément rural, qui vont louer des champs en Tanzanie. Et qui récolte, qui amène ou qui vend leur récolte, qui la vend soit en Tanzanie, soit au Burundi. Si ça se fait de la province de Bujumbura à la Tanzanie à plus de 200 km, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas d'un côté, juste au-delà de la Russie. Quelques dizaines de kilomètres. Même beaucoup moins. Même beaucoup moins. Et surtout que ce sont des gens qui, comme je l'ai dit au début, peuvent être accueillis dans des cadres presque communautaires, presque familiales, parce qu'ils ont des relations là-bas. Maintenant, ça peut arriver que ces mouvements soient aussi source de frictions entre populations immigrants, immigrantes et les populations d'accueil. Ça dépend de comment ces mouvements sont perçus. Ça dépend de comment. Oui. Permettez que j'insère une petite question. Oui. Ces migrants, ils ont quels droits et quelles obligations finalement? Bon, on appartient quand même à un même. D'abord, on est des pays voisins. Entre pays voisins, les mouvements transfrontaliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des choses tout à fait classiques, tout à fait historiques, tout à fait universelles. Bon. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je pense que ça doit se faire de la même manière. J'ai pu observer, par exemple, à la frontière rwando-burundaise sur la Kanyaru, les Rwandais qui entrent au Burundi, ou les Burundais qui entrent au Rwanda, juste ceux qui traversent, je parle des populations frontalières. Ils laissent juste sa carte d'identité. On lui donne un jeton, le squari il rentre, ou le lendemain il va rentrer. Ce sont des mouvements assez réguliers. Généralement, ce sont des mouvements de travail. Et donc, ce sont des mouvements rentables de deux côtés. Ceux qui ont besoin de travail vont gagner un peu d'argent. Ceux qui ont besoin de travailleurs reçoivent la main-d'œuvre qu'ils recherchent. Et donc, a priori, personne ne paie. Au contraire, tout le monde y gagne. Bon, maintenant, ça peut être mal perçu. Et quand c'est mal perçu, parfois sans raison, parfois avec raison, ça dépend de beaucoup de facteurs. Là, ça ne sera pas du tout rentable. Au contraire, ça va générer des tensions. Des tensions entre immigrants et populations d'accueil. Ça peut être des tensions justifiées, ça peut être des tensions injustifiés qui partent des suspicions, qui partent des perceptions, qui partent de très petits incidents, très vite généralisés en conflit intergroupe. Donc, toutes les situations sont possibles, mais la plupart des fois, ça dépend bien sûr des comportements des immigrants et des populations d'accueil. Ça dépend aussi du tact des autorités qui peuvent s'y prendre d'une façon ou d'une autre. Mais dans tous les cas, pour des autorités averties et surtout pour un pays qui a quand même besoin de main-d'œuvre comme la RDC et le Burundi est capable de fournir cette main-d'œuvre-là, je pense que ça devrait être des mouvements bénéfiques pour autant que les autorités s'y prennent correctement. Et face à ces mouvements, justement, face à ces mouvements, à ces migrants, ces mouvements de migrants, la collaboration elle devient comment entre les pays d'origine et d'accueil, et même, je pense, le HCR. Bon, quand vous parlez de HCR, ça veut dire que automatiquement vous parlez de vous prenez ces mouvements-là comme des réfugiés. Parlons peut-être des deux pays d'abord. Bon, ok. Je suis moins renseigné par rapport à la migration agricole. Donc, je ne sais pas exactement comment sont accueillis les ouvriers agricoles qui partent d'ici vers le Congo. Mais je suis un peu plus renseigné par rapport aux maçons, par exemple. Les maçons, les menuisiers qui vont au Congo, il y en a, ils sont assez nombreux. À partir d'ici, pour le Congo, ils ont des chantiers, ils construisent, ils rentrent avec un peu d'argent. J'ai l'impression que les bénéficiaires congolais les apprécient. La preuve, c'est qu'ils partent en grande masse. Et ils y reviennent. Ils reviennent avec un peu d'argent. Ils reviennent après avoir construit au Congo. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant. Le même raisonnement est possible par rapport à la migration agricole pour un pays qui a encore des terres à exploiter comme la RDC, étant donné aussi que nos populations sont demanderesses de travail contre rémunération ou contre, il y a beaucoup de formules, ou contre récession d'une partie de la production. Il rentre avec, puisque quand même, il faut reconnaître aussi que pour des familles très nombreuses et laborieuses, certaines d'entre elles au Burundi n'ont plus assez de terres. Mosaïque. La radio Isanganiro traite les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je rappelle en passant que le débat mosaïque aujourd'hui portait sur des mouvements migratoires observés à une vitesse accélérée dans la plaine de la Rusizi. Nous sommes avec deux invités, à savoir Nestor Bimenyimana, le directeur général du rapatriement, de la réinstallation et la réintégration des rapatriés au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et professeur Évariste Ngaïmena, historien, démographe, enseignant d'université, recteur de l'université du lac Tanganyika. Monsieur le directeur général, il s'observe des mouvements de va-et-vient pour ces migrants burundais, un système baptisé Makanaki par certaines opinions. Y aurait-il une explication à ce mouvement? Eh bien, quand vous parlez du système ou du phénomène Makanaki, ce phénomène est seulement appliqué pour les réfugiés qui ont retourné au pays comme rapatriés et qui retournent encore dans les pays d'asile. C'est ça. Ouais. Donc ce phénomène de Makanaki ne peut pas attribuer aux migrants économiques, par exemple. Non. C'est le Makanaki par rapport aux réfugiés seulement. C'est spécifique. Alors, j'avais déjà ces informations qu'il y a ce phénomène de Makanaki qui s'observe dans les communes d'Orugombo, Buganda, donc le long de la Rusizi. Mais méfiez-vous, ce phénomène existe aussi dans d'autres régions, comme la Tanzanie, comme le Rwanda, donc la région frontalière avec le Rwanda. Ce n'est pas seulement ici, dans la région de Limbo. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'au niveau de cette région de Limbo, ce phénomène est explosif. De façon que je m'inquiète même pourquoi ce phénomène est vraiment explosif au niveau de cette région. Ici, à Lugombo, nous avons plusieurs ménages qui sont fermés. Il y en a au moins 30 ménages qui sont fermés. Malheureusement, ce sont des maisons qui sont construites dans leur propriété. Sinon, s'ils étaient construites dans des propriétés domaniales, j'allais faire entrer les autres rapatriés qui n'ont pas d'abri. Oui, parce qu'il y a des rapatriés qui n'ont pas d'abri, qui n'ont même pas de référence. Donc, ils laissent des maisons vides. Ils laissent des maisons vides et ils repartent en RDC. Donc, mais ce qui est sûr est que je peux rassurer que ce phénomène doit être anéanti parce que c'est un phénomène qui trahit le pays, mais aussi qui trahit l'image des rapatriés. Parce que un rapatrié qui est déjà installé dans le pays, qui est déjà installé dans la communauté, qui part, donc signifie beaucoup de choses. Même son voisin peut aussi penser pourquoi lui aussi ne parte pas donc de l'autre côté. Et donc, ça peut influencer même la communauté haute pour qu'il puisse prendre cette mauvaise décision de repartir. Et donc, c'est à décourager. Décourager comment? On a installé des systèmes donc, d'identification, un système biométrique, d'identifier les rapatriés. Tous les rapatriés qui rentrent sont vraiment enregistrés d'une façon biométrique. Au ministère? Oui, nous avons... Non, il y a la direction générale qui travaille avec l'OACR. Oui, nous avons mis à disposition un équipement vraiment suffisant pour enregistrer biométriquement tous les réfugiés qui rentrent, de façon que le phénomène de Makanaki ne peut pas continuer parce qu'au retour, un réfugié n'est autorisé de se rapatrier qu'une seule fois. Donc, il ne rentre qu'une fois. Qu'une fois. Et il y reçoit. Il y reçoit l'assistance. Il reçoit l'assistance, c'est prévu une seule fois. Et la deuxième fois, c'est vraiment puni. Aujourd'hui, c'est puni parce qu'on doit le déjouer. On doit déjouer ce phénomène de Makanaki à travers nos données biométriques. Donc, il y a d'abord la prise de l'iris. L'iris est vraiment... c'est spécifique pour une personne, l'iris. Et on prend aussi l'empreinte digitale. Donc, au retour, on doit vérifier que cette personne qui rentre n'a pas été aussi rapatriée. Donc, on a la chance d'être rapatrié qu'une seule fois. La deuxième fois n'est pas acceptée. Il est aussi sanctionné si on constate réellement qu'il est, il y veut bénéficier de l'assistance la deuxième fois. Et des sanctions sont prévues pour ces cas. Est-ce que vous estimez, professeur Évariste Ngaïmenda, que le pari peut être gagné pour éviter ce système Makanaki? Bon, le phénomène Makanaki est un phénomène assez connu. On l'a vu à la fin des années 90 et au début des années 2000 pour les réfugiés en provenance de la Tanzanie. Mais je crois que, comme le directeur général vient de le dire, ce phénomène ne peut persister que s'il y a soit corruption, manque de vigilance ou changement d'identité, etc. Sinon, avec les processus de digitalisation, c'est effectivement un phénomène assez maîtrisable. Et c'est un phénomène qu'il faut décourager parce que quand il perdure, ça devient même une menace à l'assistance au rapatriement. Parce qu'aucun bailleur n'acceptera d'assister indéfiniment à rapatriement qui n'en finit c'est pas, ça. Du fait justement de ce phénomène de Makanaki. Alors, ce phénomène vient de quoi? Ce phénomène vient du fait que quand un réfugié, par exemple, reste dans cette situation pendant un temps, s'il est dans une situation où il ne travaille pas, parce que bon, tous les réfugiés ne sont pas logés à la même enseigne, il y en a qui peuvent être installés sur des terres et ils travaillent, donc ils sont habitués à travailler. Mais quand vous êtes habitué à vivre de l'assistance, par exemple, au bout d'un certain nombre d'années, vous perdez l'habitude de travail et vous voulez vivre gratuitement. Si bien que même quand vous rentrez, en fait, vous devenez presque incapable de vous prendre en charge. Et une fois la provision de retour épuisée, vous avez envie de repartir pour essayer encore une fois de bénéficier de la distribution de l'assistance sur l'appartement. Et ça découle aussi du niveau d'assistance sur l'appartement. Quand le niveau d'assistance, notamment si par exemple vous rentrez en période de disette et qu'on vous donne une provision sur 3 mois, bon, quelque part, vous faites la jalousie de ceux qui sont restés, qui traversent peut-être une période de vache maigre. Et si en plus on vous donne un peu de pécule, eh bien, si vous n'êtes pas assez entreprenant, si vous n'êtes pas assez organisé pour réfléchir en termes de stabilité, vous pouvez effectivement vouloir transformer ce phénomène d'exil en une espèce de business. C'est de là que résulte le phénomène de Makanaki. Et finalement, il y a lieu de penser que ces migrants peuvent rentrer une fois pour gagner l'assistance. Et après, ils peuvent décider de retourner en exil en tant que migrant économique. Oui, si par exemple, durant votre vie de réfugié, vous avez pu constater qu'il y a moyen d'évoluer dans ce pays d'accueil et d'évoluer correctement, bon, rien n'empêche qu'un ancien réfugié puisse repartir cette fois-là avec le souci de s'établir en tant qu'acteur économique. Là, je pense que c'est même une excellente chose. Ce qui serait malheureux, ça serait de vouloir repartir encore une fois comme nouveau réfugié sans raison manifeste. Repartir, monsieur le directeur général, Nestor Mimenimana, repartir en tant que migrant économique pour y chercher la vie, c'est possible? Oui, je le disais au départ. Je le disais au départ, donc un rapatrié devient un citoyen de part entière comme les autres citoyens, comme la communauté haute. Donc, s'il décide de repartir, pas comme un nouveau réfugié, mais comme un migrant économique, c'est une solution. C'est une des solutions. Là, il va chercher la vie dans les pays, dans l'autre pays, comme un citoyen qui va chercher, qui va conquérir de nouveau la vie, qui va chercher quoi faire dans son pays. Et s'il gagne, c'est une solution. Et s'il ne gagne pas, il retourne au pays. Il n'y a pas de solution parce qu'il reste Burundais de part entière. Donc, il est accueilli. Il est accueilli. Et vraiment, repartir comme migrant économique, c'est une solution. Et monsieur le directeur général, nous parlons de flux migratoires accélérés. Comment y faire face? Comment faire face à ces flux dans cette région précise, la plaine de Rusizi? Bon, comment faire face à cet afflux? D'abord, faire face à cet afflux, ça dépend de la nature de l'afflux. S'il part comme migrant économique, il n'y a pas moyen d'empêcher. C'est déjà une solution. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui va chercher la vie, qui va contribuer pour la communauté du pays d'accueil et qui va contribuer au retour au pays d'origine. Mais quand ces Burundais partent en tant que réfugiés? Non, s'ils partent en tant que réfugiés, c'est vraiment à décourager parce que c'est ce phénomène qu'on parlait de Makanaki. Il faudra chercher plutôt à partir comme migrant économique parce que tu as été réfugié et tu as été rapatrié, tu as été assisté et tu ne seras pas assisté une deuxième fois. Donc il faudra noter ça. Il faudra que même les réfugiés qui nous écoutent ou qui nous entendent puissent le comprendre que l'assistance est donnée qu'une seule fois. Le rapatriement est accepté qu'une seule fois. Donc la deuxième fois, c'est vraiment prohibé. Plutôt, s'ils veulent repartir dans les pays autres, il faudra repartir comme des migrants économiques. Là, c'est accepté parce que le mouvement migratoire dans notre pays, dans notre région de la communauté des pays de l'East African Community, nous avons des accords qui garantissent son mouvement migratoire pour les communautés comme des migrants économiques, pas comme des migrants ou pas comme des réfugiés. Parce que la migration économique est vraiment encouragée pour donner du main-d'œuvre dans des secteurs différents pour des pays qui en ont effectivement besoin. Parce que nos pays, nous avons besoin des expertises divergentes parce que si vous disposez des agronomes ou des maçons, tu as besoin des agriculteurs. Tu as besoin d'autres secteurs qui doivent être renforcés. Donc, nous avons besoin donc, de ces échanges d'expériences pour développer nos pays respectifs. Le rapatriement, c'est une fois, pas deux, pour bénéficier de l'assistance, mais des migrants économiques, c'est possible pour qu'ils puissent repartir pour une deuxième, une troisième fois. Professeur Évariste Ngaïmenda, comment faire face à ces flux migratoires accélérés dans cette région, la plaine de Rusizi? Bon, en fait, ce débat souffre d'une faiblesse. C'est que nous sommes partis des Burundais qui se dirigent vers la RDC, mais le mouvement inverse n'est pas documenté. Des Congolais qui viennent aussi au Burundi. Je suis sûr qu'il y en a. Est-ce qu'ils sont moins nombreux? Est-ce que c'est à peu près autant, plus nombreux? Je n'en sais rien. Ils pourraient être moins nombreux, peu importe. Bon, je vais partir de deux exemples. Vous voulez dire que le mouvement inverse... Il existe, ça je suis certain. Il existe, mais il reste peut-être à le quantifier. Alors, j'ai assisté une fois il y a deux mois, à une présentation d'un médecin de Kira qui nous disait que la clientèle de Kira je ne sais pas si c'est en termes de soins ambulants ou d'hospitalisation, mais l'un est à un niveau de 25% de l'ensemble de la clientèle et l'autre est à 50 à 55% de la clientèle congolaise. Donc, au niveau des soins ambulants et au niveau de l'hospitalisation, je ne sais pas où il faut mettre 50 à 55% et 25%, mais c'est l'une des deux rubriques. Deux, je constate que dans certaines universités, spécialement l'université Espoir d'Afrique, il y a quand même une bonne population congolaise. Et je sais que dans différents quartiers, il y a d'Bujumbura, il y a quand même pas mal de Congolais. Alors, comment faire face? Non, moi je pense que faut pas percevoir ce mouvement négativement. Il faut plutôt l'accompagner. Tant que ça ne génère pas l'insécurité, tant que ça ne génère pas des frictions entre immigrants et populations d'accueil, tant qu'il est possible d'en tirer le maximum de bénéfices que l'on peut en tirer, je crois que ce sont des mouvements qu'il faudrait à la limite encourager parce que l'intégration régionale, c'est précisément cela aussi. Comme il y a échange de marchandises, on ne peut pas se limiter seulement à l'échange de marchandises sans échange d'hommes. Et je puis même aller plus loin. Je pense que si notre frontière, et je pense qu'on tend vers là, beaucoup de voies de passage sur la Rusizi, à partir du nord jusqu'au niveau d'Uvira, ce mouvement serait beaucoup plus important que ça. Et on assisterait même à des mouvements journaliers par dizaines de milliers et ça pourrait entretenir le dynamisme économique d'un côté comme de l'autre. Il y a des facilités pour migrer donc de côté le saisir. Oui, ça pourrait entretenir l'activité, ça pourrait même générer de la richesse économique. Aujourd'hui, ce mouvement souffre de quoi? Ça souffre du fait qu'il y a peu de passages, en fin de compte, peu de passages aménagés. Je ne parle pas de passages clandestins. Il y a peu de passages aménagés. Car si on pouvait, je pense qu'il y a un projet ici en RDC de construire un peu la route qui va de Bukavu vers le sud, là, ça pourrait, comme on a parallèlement à la route qui va de Rugombo vers Bujumbura, il suffirait de faire de relier les deux sur la Rusizi avec deux ou trois passages supplémentaires en plus de Katumba. Eh bien, je pense que ça pourrait entretenir la prospérité sur nos deux régions frontalières. Et à ce moment-là, vous assisteriez à beaucoup plus de mouvements qu'il n'en est aujourd'hui. Aussi bien des mouvements de salariés, des agricoles ou autres que des mouvements de maçons ou de demandeurs d'emploi ou vendeurs de services, vendeurs de produits. Et je crois que ça serait plutôt des mouvements à positiver. Est-ce qu'il y a lieu que les États, le Burundi et la RD Congo puissent mieux collaborer pour finalement accompagner ces mouvements en vue de faciliter l'intégration régionale? Oui, je pense que c'est à ce niveau-là que le bât blesse. Il ne faut pas que les administrations, il ne faut pas que les États, il ne faut pas que les services publics soient en retard sur les initiatives privées ou collectives des gens isolés ou en groupe. Il faut précisément encadrer ces mouvements, il faut leur préparer le terrain administrativement, réglementairement, de manière à ce que les deux pays en tirent le meilleur bénéfice. Encadrer ces mouvements, les réglementer, monsieur le directeur général Nestor Bimenyimana, est-ce que c'est possible, côté burundais, est-ce que vous pouvez influencer l'autre côté, la RDC, pour faciliter ces mouvements et en vue de permettre plutôt l'intégration régionale? Oui, c'est vraiment possible de les encadrer, de les accompagner, parce que ce sont nos citoyens. Étant donné que partir en RDC va bénéficier et le pays d'origine, mais aussi le pays d'accueil, donc comme les deux pays vont bénéficier, donc c'est vraiment à nous, les deux gouvernements, les deux pays, de prendre cette opportunité d'encadrer ou d'accompagner ce mouvement. Donc, il parlait d'autres points qui devraient relier les deux pays pour faciliter ce mouvement. Donc, c'est vraiment indispensable qu'on ait plusieurs points d'entrée et de sortie pour éviter le mouvement clandestin. Hein? Mais que ça soit encadré. Mais que ça soit encadré. Encadrement, c'est vraiment pertinent. Imaginez, depuis la frontière de Louga jusqu'à Gatumba, il n'y a qu'une seule frontière officielle, qui est celle de Gatumba. Donc, la population de Lugombo, de Buganda, qui voit la RDC ici à côté à quelques mètres, il suffit tout simplement de traverser la Rusizi, qui est en RDC. Venir jusqu'à Gatumba, c'est vraiment trop cher. Donc, il faudra aménager d'autres points d'entrée et de sortie pour faciliter son mouvement. Parce que nous tous, personne ne peut vraiment contester que son mouvement est vraiment utile pour nous les deux pays. Donc, il suffit tout simplement de l'accompagner pour éviter d'autres désagréments que peuvent provoquer le mouvement. Donc, garantir la sécurité, et éviter les mouvements de fraude, donc le trafic de fraude, tout ça. Donc, l'accompagnement ira dans ce sens. Merci, merci beaucoup. Nestor Bimenyimana, je rappelle que vous êtes le directeur général du rapatriement, de la réinstallation et réintégration des rapatriés au ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci, c'est moi qui vous remercie et je vais répondre à toute invitation. Et je remercie aussi tous les spectateurs de la radio-télévision Isanganiro. Je remercie aussi à mon collègue, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous, professeur Evariste Ngaïmenda. Vous êtes historien, démographe, enseignant d'université, recteur de l'université du lac Tanganyika. Merci d'avoir été des nôtres à cette émission. Merci de votre contribution. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi le collègue avec qui on a partagé le plateau. Je remercie également ceux qui nous ont écoutés. Et merci. C'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Vestine Boutoyi pour la réalisation à la présentation. C'était Léonce Bitariho. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.